Vous êtes pas prêts. Hier, en commission parlementaire, première des choses, on n'écoute pas les commissions parlementaires. Peut-être que les journalistes qui sont sur place les écoutent. Mais hier, ça a été troublant ce qu'on a entendu. Tu sais, dans tout le débat sur le transport en commun, il y a les pour et les contre. Nous, à Radio X, on transmet ce que les gens pensent. C'est ça la recette de Radio X. Faut arrêter de se casser la tête. Ah ouais? Là. Vous en êtes le succès. Hein? Par contre, certains écolos gauchistes à la Sylvain Gaudreau, ça peut être des certains lobbies de gauche aussi, pensent eux que c'est nous qui c'est nous qui l'avons les cerveaux. Nous sommes les leaders de les grands lessiveurs de cervelle. C'est ça. Sans nous, tout le monde trouverait ça donc ben magique, leur monde. Tu sais, si on n'était pas là, on est les obstacles à la réussite de leur projet. Peu importe le projet, ça, là. Ça, c'est vrai, là. Je t'annonce qu'ils nous détestent à ce point-là. Eux pensent vraiment ça. Alors que nous ne sommes que le vecteur de la volonté de la population. Sans aucune prétention, là. Donc, avoir les courriels qu'on reçoit tous les jours. C'est ça. C'est pas compliqué. Si on n'est pas le reflet des auditeurs, on est perdant. C'est ça, la recette de Radio X. C'est pas très compliqué. Et ça donne que, vous avez des animateurs qui parle, je pense, du cœur. C'est pas des pièces de théâtre. Les missions que vous écoutez, c'est pas mal ce que je pense. Mais ça, c'est une autre affaire. Avec la couleur, puis avec du crémage. Mais oui, c'est une pièce de théâtre. Ça, c'est une autre affaire. Il y en a qui sont convaincus d'hommes durs comme fer. OK. Ils seraient prêts à gager des milliers de dollars qu'on est payé par en dessous pour passer des messages. Je vais parler d'industrie pétrolière, les bosses à Montréal. Non, c'est conservateur. Moi, Pierre-Carles m'appelle le matin alors qu'ils n'ont aucun rapport avec la compagnie pour laquelle je travaille. Il n'y a personne. Puis il y a des Shell Canada m'appelle, m'envoie des 10 000 piastres pour que je vente le pétrole alors que je n'ai jamais vendu. Non, mais il y en a d'hommes qui sont convaincus de ça, là. Ouais, puis le Parti conservateur. Qu'on est à la solde de quelconque force obscure à quelque part qui. Même s'il y a de quoi, on voit passer souvent les bosses, là. C'est une vision... On est tout seul pas mal à mener la barque, là. Vision absurde, là. C'est de la science-fiction. Mais ces gens-là sont vraiment... Et là, sont furieux, là. Parce que dans la région de Québec, il y a un gros débat. Je sais que ça touche pas nécessairement les gens de Montréal. Malgré que les gens de Montréal, vous devriez peut-être regarder ce qui se passe parfois dans la région de Québec, où des automobilistes commencent à se prendre en main et à dire « ça suffit, ça suffit ». On ne peut, avec des enfants, prendre l'autobus et faire plaisir à la mère Terre, matin, midi, soir. On a besoin d'une voiture et on a besoin d'infrastructures qui viennent avec. Hier, c'était commission parlementaire sur un sujet bien précis qui s'appelle le sujet d'Enbridge avec l'inversion du flot de pétrole. Sur le projet d'Enbridge Pipeline. C'est ça. Exactement, sur l'inversion du flot de pétrole de l'ouest vers l'est. Donc, on parlait pas pantoute d'autobus, on parlait pas pantoute de Radio X, mais l'extrait que vous allez entendre, il y a deux personnes dedans. Mm. Scott McKee, l'ancien leader du Parti vert, qui s'est fait élire Du PQ. Exact, un péquiste. Donc, c'est assez verdoyant, merci. Là. Lui exprime le fait que ça prendrait encore plus de contraintes là sur l'automobiliste pour vraiment le forcer à prendre l'autobus. Donc, vous voyez que c'est vraiment... Là, ils le disent clairement, puis je suis correct, je suis à l'aise avec ça. Ils le disent, c'est la guerre à l'automobile, donc c'est clair. Moi, j'aime ça clair. Ouais. Donc, c'est très clair. Et vous avez Alexandre Surgeon qui dit, ce serait peut-être le temps qu'on ferme Radio X. Les propos est peur, hein, dans une démocratie en 2013. On écoute? On écoute. Il y avait un gros manque en termes d'éducation. Qu'est-ce donc, que on n'est pas assez éduqué. C'est dans les... rapidement là, qu'on pourrait mettre en œuvre au Québec pour nous faire faire des avancées importantes en termes d'appui populaire puis d'éducation populaire pour qu'on les politiciens aient davantage de pression pour faire les bons choix. Messieurs du regroupement. Mais écoutez ça. Moi, je pense que ça, c'est un autre enjeu fédéral Québec. Si vous aviez des pouvoirs en matière de radiodiffusion, je vous dirais de fermer le 93.3 puis le choix FM, le choix Radio X à Québec. Là. Je pense que la société québécoise s'en porterait que mieux, même si Radio-Canada pourrait pas se payer leur tête le vendredi soir. C'est une blague. Je pense que il faut que vous soyez un peu plus imperméables aux pluies de vindiques d'appels à la violence automobile que peuvent faire certains animateurs de radio à Québec. Bon. Il n'y en a pas eu. Des appels à la violence. Ouais, c'est ça. Il y a eu certains cas à Québec de personnes qui ont fait des fingers aux conducteurs d'autobus. Ça, mais je parle pas de ça. Là. Non, mais je veux juste dire deux mots là-dessus. Là. Je sais pas qui a lancé ça. C'est stupide, c'est cave. On le dit, d'autres animateurs le disent. Moi, c'est la première fois que je parle de ce sujet-là ici. Là. Mais si vous coupez des autobus d'un voie réservée, vous faites des fingers, des zigzags, vous êtes des maillables, des crétins. Là. Ça m'intéresse pas de vous avoir dans ma clientèle. Là. C'est sûr et certain que ça marche pas. Alors, vous avez envie de casser à gueule un chauffeur d'autobus, vous êtes un imbécile, vous avez rien compris. Pas. Vous avez rien compris. Le chauffeur d'autobus, il y a des enfants à faire vivre, il fait une job, ça a aucun rapport avec les voies réservées. Là. C'est pas ça le point. Lui, son boss, il a dit, tu passes par ce chemin-là, ça a aucun rapport. Exact. Nous autres, on parle de schéma de transport en commun, et là, plus spécifiquement, les deux personnes que vous venez d'entendre, Scott McKay, qui lui parle, première des choses, du fait qu'on n'est pas assez éduqué, donc on n'est pas d'accord avec l'automobile. L'autobus, puis on n'est pas assez éduqué. Parce qu'on est niaiseux. On est niaiseux. Donc ça prend plus d'éducation et plus de contraintes. Donc ça, c'est un discours typiquement péquiste et typiquement gauchiste. Mais ça va et la balle, hein. C'est beau de voir ça. C'est ça, le beau travail d'équipe. Parce qu'on parle pas de ça pas en tout, là. On parle de pipeline d'Enbridge. Là, maintenant, on se met à parler à cause de ça, que, oups, là, c'est parce qu'il y a trop de monde sur les routes, là, hein. Comment qu'on ferait bien pour enlever du monde sur les routes? Lui, il dit fermer radio. C'est sa fesse, là. On a passé de A à Z dans le temps de le dire, là, en deux temps, trois mouvements. Donc, des gens qui sont incapables d'argumenter, mais ces gens-là parlent de radio poubelle. Ça, c'est-tu de la politique poubelle? À mon avis, oui. Moi, j'ai jamais demandé et j'ai jamais souhaité, j'ai jamais pensé à ce qu'on ferme Équiterre et qu'on ferme Greenpeace. J'ai jamais dit ça, je l'ai jamais pensé. Mais c'est donc bien niaiseux de penser ça. Ça. On est en démocratie. On se challenge avec des arguments. On peut trouver des ci, des ça avec des arguments. On peut trouver qu'ils ont trop de liens avec le pouvoir, qu'ils ont trop de force de lobby. On a des points de vue différents. Puis s'il y avait eu un questionnement, là, ouais, mais est-ce qu'on pourrait pas commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on, tu sais, s'il y aurait pas des moyens d'avoir de... Non, lui, il appelle à la fermeture. Donc, moi, toi, tes enfants, tout le monde dehors, là. C'est terminé. Donc, c'est très, très inquiétant comme discours. Mais encore plus inquiétant, parce qu'Alexandre Turgeon, lui, c'est le fondateur et président exécutif de Vivre en Ville, là, qui est un organisme à Québec, qui fait la promotion de Bessic à pédale et dessus. Ça, il a le droit. Moi, je veux pas qu'il ferme. Lui veut me faire fermer. Lui veut que je perde ma job. Moi, je veux pas y fermer la trappe. J'ai compris qu'en démocratie... Il y avait une multiplicité de points de vue et je respecte ça. C'est simple. Mais lui est incapable, donc, de gagner son point de vue. Ben, il veut nous fermer la trappe. Mais plus que ça encore. Plus loin, et ça, aucun média n'en fait mention. Amir Kadir, qui décide de s'en mêler et qui nous annonce que si un gouvernement solidaire, et encore là, vous partez à rire, là, mais sous-estimez pas les Québécois, là. Avec deux, trois, quatre promesses de programmes sociaux, là. Dans 20 ans, là, il n'est pas dit qu'on n'aura pas un gouvernement solidaire. Là. Si un gouvernement solidaire, on sera appelé à comparaître les radios privées. Et peut-être qu'on va perdre nos licences. Il a vraiment dit ça. Et c'est incroyable. Moi, je suis renversé de ça, mais on va l'écouter. On va le faire entendre. En fait, dans l'extrait, juste avant, on entend un député de la CAQ aussi. Okay. Qui, lui, est un peu venu à notre défense. Mais de quel droit, là, on peut demander la fermeture de radio? Hey, ça se passe en commission parlementaire. Au Québec. Pas des farces. Puis on parle de pipeline, mais le sujet est complètement dévié. Et là, Amir Kadir prend la parole après. OK? Vous venez ici, vous prônez, je sais pas d'où ce que vous sortez ça, d'éliminer des radios commerciales qui sont, qu'on partage ou non les opinions, c'est des entités légales. C'est, il y a beaucoup de gens ici qui écoutent ces stations de radio-là. Monsieur le député de Mercier. Pour rassurer mon collègue de la CAQ, je voudrais dire que attendez au moins que Québec solidaire arrive au pouvoir avant de considérer la fermeture ou pas des radios poubelles. Puis je vous promets qu'on va organiser une audience publique et une participation, une réflexion collective sur comment certaines radios abusent de leurs droits de diffusion et alimentent le mensonge et la désinformation. Incroyable. Wow. Mensonge, désinformation. Donc, un menteur et un désinformateur. J'ai reçu, dans les dernières semaines, Manon Massé, Françoise David. J'ai reçu même quelqu'un, je me souviens plus de son nom, candidat de Québec solidaire dans le coin de Montréal, pour même dire en onde, deux fois plus tôt qu'une, que Québec solidaire avait raison dans le dossier de la contamination des écoles à Montréal. Non, mais si on donne la parole à tout le monde, on la donne. Là. Sérieux, on peut, ce pas, qu'on a fait. Peut pas nous reprocher ça. Là. C'est ce qu'on a fait. Je l'ai dit deux fois plus tôt qu'une que Québec solidaire, sur deux points bien précis, avait raison. Ben, je crois pas que... Moi, personnellement, je crois pas qu'un parti politique a toujours tort mur à mur et l'autre a toujours raison. Je crois pas ça. Donc, je l'ai fait en onde ici, mais eux se revirent de bord et qualifient ma tribune de Radio Poubelle alors qu'ils utilisent ma propre tribune pour venir faire l'émancipation de leurs idées. Il y a de quoi qui marche pas dans la cohérence, les amis, là. Belle bassesse. Il y a de quoi qui marche pas dans la cohérence, là. Mais déjà, on donne le micro à tout le monde. Hey, ici, on a eu des gens du Parti vert. On a eu des... Oui, le Parti conservateur du Québec. Mais on a eu autant le NPD que Québec solidaire. Le président de la CSN, il est venu trois fois. Toute la gang, il y a eu le clown de la CSN qui s'est mis à m'insulter. Ça a dégénéré. Les centrales syndicales. Les dirigeants syndicaux, c'est... Regarde, la CSQ, on les a eu. CSN fait trois fois le tourneau. Mais là, aller plus loin que ça, Doom, est-ce qu'on nous demande d'être d'accord avec eux autres tout le temps? C'est ça le problème. C'est tout ça le... C'est ça. Donc, OK, c'est ça. Donc, en plus des invités de leur donner tribune, en plus, faut être d'accord tout le temps. Sinon, on est des désinformateurs. Des menteurs. Eux sont menteurs. Pourquoi? Première des choses, profitent de notre tribune. Plus que ça, l'ultime mensonge, c'est qu'ils se disent populaires. Ils se disent la voix du peuple. Mais ils ne veulent pas que le peuple s'exprime au bout du compte. Ils veulent que le peuple soit d'accord avec eux. Ils veulent mener le peuple vers une vérité dont ils seraient le seul propriétaire. C'est très inquiétant, là. Ce genre de société-là est très inquiétante. Le genre de langage, que dire du langage utilisé par Kadir? Des audiences avec des audiences réflexions publiques. Populaires. Ça me fait beaucoup penser aux tribunaux d'inquisition et aux tribunaux staliniens organisés là, des d'avance. Bon, les purges... Faire venir des médias pour les blaster publiquement. Là. Moi, j'ai une image en tête, les purges staliniennes. C'est-à-dire, Staline arrive au pouvoir... Et t'as les ceux qui étaient trop proches de ses ennemis, ouais. Avant qu'ils arrivent au politburo, comparaissent, bing bang, ça prenait 5 minutes, une balle dans la tête. Les fameuses comparaisons, les simulacres de procès, ça c'est la voix de Kadir, ouais, vraiment. Ça finira pas avec une balle dans la tête, là. Non, mais je t'explique, à ce moment-là. Non, je comprends. À ce moment-là, le mais ça... simulacre. Ben, une balle dans la tête, une station de radio, c'est quoi? C'est d'enlever la licence, Jean-Claude. Ça reste un appel à juger les médias. Hey, non, la liberté, ils veulent fermer les médias. Non, mais c'est ça. Signer l'arrêt de mort d'une station de radio, Jean-Claude, c'est l'équivalent d'une balle dans la tête pour un individu. Je comprends. Tuer un média, c'est ça. D'en venir à appeler à la barre des médias qui, dans une démocratie, devraient être assez libres, merci, là. À moins de faire des appels au meurtre pis des enfants de même, là. Faire venir à la barre des médias pour s'expliquer, puis de savoir si après ça on va leur donner le droit ou non de donner une opinion. C'est nord-coréen, ça, pas c'est, à peu près. C'est camarade en tabarouette, là. Mais ça a été dit hier au Parlement. Et il en a fait une promesse, hein. Et il en a fait une promesse. Je vous promets. Si on est au pouvoir, on aura des audiences publiques pour savoir jusqu'où peuvent aller les radios, les médias. On va contrôler le message, camarade. C'est ça qu'on dit ou je sais pas, là? C'est très, très inquiétant. Donc, on l'a sur tape. Je sais pas où les journalistes étaient, là. Je comprends qu'ils sont pas obligés d'être là à 100%, là. Mais j'aurais aimé ça que ça ait été relaté, là, dans les médias de ce matin. C'est très inquiétant. C'est très, très inquiétant, ça. 10h46. Vous avez vraiment la couleur, là, la vraie couleur de Québec solidaire. Ouais. Et vous êtes dans Morin Live.